بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue l'explication des règles du mariage, le chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam al-Sa'di rahimahullah, le cours numéro 17. L'auteur rahimahullah qui dit wa minha shurutun fasida كنكاح المتعة والتحليل والشغار. Et donc, parmi celles-ci, c'est-à-dire parmi les conditions rajoutées au mariage, donc que les individus vont rajouter au mariage, il y a des conditions qui sont caduques, des conditions qui sont incorrectes. Comme le mariage dit al-mut'a. Le mariage dit al-mut'a, le mariage de plaisance. Ainsi que al-tahlil, le mariage qui permet de rendre licite. On verra tout cela, inshallah. Ainsi que al-shirar. Et continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit « وَرَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ أَوَّلًا ثُمَّ حَرَّمَهَا. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de faire al-mut'a au début et ensuite il a interdit cela. Wa la'ana al-muhallila wal-muhallala lahu. Et il a aussi maudit al-muhallil, et donc celui qui fait un mariage pour rendre une femme licite, et al-muhallala lahu, celui pour qui on a fait un mariage pour que la femme, elle, lui, devienne licite. Tout cela, on va le comprendre, inshallah ta'ala. وَنَهَا عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ. Et il a aussi interdit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le mariage de الشِّغَارِ. C'est quoi le mariage de الشِّغَارِ? هُوَ أَنْ يُزَوِّجَهُ مَوْلِيَّتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ مَوْلِيَّتَهُ وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا. C'est que l'individu, il donne la femme dont il est son tuteur, il la donne en mariage à un autre, et l'autre, il doit lui donner la femme dont lui, il est le tuteur. Et donc c'est un échange entre les deux. Et il n'y a pas de dot, donc, lors de ce mariage. Pour eux, c'est ça la dot, c'est un échange. Et donc la femme, elle n'a pas de dot. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il dit l'auteur rahimahullah wa kulluha ahadithu sahiha. Et tout cela, donc tous ces termes qu'il vient de citer, sont des hadiths qui sont authentiques. Tayyib. Et donc nous on va commencer avec le mariage al-mut'a. Donc qu'on peut expliquer par la plaisance. Le mariage lié au plaisir. Et donc c'est le fait que un homme va épouser une femme jusqu'à une période déterminée. Et lorsque cette période elle est terminée, et donc il se sépare. Un homme, donc le tuteur va dire, je te donne ma fille en mariage pour 2 mois. Il dit, je te donne la fille dont je suis tuteur en mariage pour 2 ans. Au bout des 2 ans, c'est terminé. L'imam Muslim rahimahullah, il dit dans son sahih, il rapporte dans son sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya ayyuhan nas, inni qad kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa, wa inna allaha qad harrama dhalika ila yawmil qiyamah, faman kana indahu minhunna shay'un falyukhalli sabilahu. وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. Il y a dans ce hadith l'interdiction de al-mut'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique clairement dans ce hadith qu'il a permis le al-mut'a auparavant. Et donc ça c'était au début de l'islam. C'était au début de l'islam, le prophète, il a permis cette pratique. Et ensuite il dit, et certes Allah l'a interdit jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Cette pratique est donc interdite. Qui sont ceux qui vont encore faire cette pratique? Les Shia. Les Shia, ce sont ceux qui continuent à faire cela et à essayer de montrer que cela est licite. cette forme de mariage est totalement interdite. Est totalement interdite. Barakallahu fikoum. Pourquoi? Parce que ce qui est voulu dans le mariage, c'est que celui-ci perdure. Ici, il y a une leçon pour justement tous ces gens et tous ces jeunes qui vont divorcer de manière précipitée. C'est contraire à ce qui est voulu au mariage, dans le mariage. Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré le mariage pour que celui-ci perdure. Et il a interdit al-muta'a. En ce qui concerne al-tahlil, le mariage qui va être fait pour rendre licite une femme à un homme. En fait, c'est tout simplement qu'un homme se marie avec une femme qui a été divorcée 3 fois. Dans le but d'avoir un rapport avec elle, et ensuite de la divorcer pour qu'elle ait le droit de revenir avec son précédent mari. Pourquoi? Parce que l'homme, lorsqu'il divorce une femme 3 fois, il n'a plus le droit de l'approcher. Il n'a plus le droit de se marier avec elle. Jusqu'à ce qu'elle se remarie avec un autre, qu'elle ait un rapport avec son nouveau mari, et qu'ensuite celui-ci, il la divorce. Et donc en fait cet homme, il va faire ça de manière intentionnelle. Intentionnellement, il se marie avec elle pour avoir un rapport, pour la divorcer, pour qu'elle puisse retourner avec son ancien époux. C'est ce qu'on appelle el-muhallil, celui qui va la rendre licite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit l'homme qui fait cela. Et cette forme de mariage, et donc forcément c'est un mariage qui est illicite. Puisque il est contraire, comme on a dit précédemment, il est contraire à ce qui est voulu dans le mariage. C'est-à-dire le fait que celui-ci perdure. Deuxièmement, ce mariage-là ne rend pas du tout la femme licite à son ancien mari. Ça veut dire que le nouveau mari, il va avoir un rapport avec cette femme. Après le rapport, il vient nous voir, il nous dit « Je vais la divorcer, comme ça elle pourra retourner avec l'autre ». On lui dit, non, elle ne va pas retourner avec l'autre. Elle ne peut toujours pas. Pourquoi? Parce que le mariage que vous avez fait est un mariage caduque. Ce mariage-là, il est caduque. C'est une condition qui est caduque. Et donc, elle ne peut pas retourner avec l'autre. Tayyib, il va dire, eh bien, je la garde. On va lui dire, non, tu ne peux pas la garder comme épouse non plus. Pourquoi? Parce que ton mariage, il est caduque. Et donc il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre, cette forme de mariage est illicite. Et en réalité, c'est comme une forme de ruse, le fait de chercher à ruser avec Allah, envers Allah tabaraka wa ta'ala. L'être humain ne doit pas oublier que Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement tout ce que nous faisons. At-Tirmidhi, il cite dans son jami'a, d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah, Ibn Mas'ud, il nous dit « La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-muhallila wal-muhallala lahu » comme il l'a dit le Cheikh Saadi tout à l'heure. Et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit « El-muhallil » celui qui rend la femme licite à l'autre et « El-muhallala lahu » celui pour qui on a cherché à rendre la femme licite. Et donc à partir du moment où l'homme, le deuxième, il a l'intention de chercher à rendre cette femme licite à celui qui l'a divorcée. Et donc, à partir de ce moment-là, cette femme-là ne peut être licite à son premier. Elle ne peut être licite à son premier époux, celui qui l'a divorcé. Et le mariage, comme on a dit précédemment, il est caduque. Et donc, si le deuxième époux, il veut rester avec elle, et qu'elle, finalement, après avoir pris du plaisir avec le deuxième époux, elle décide de rester avec lui. Comment on fait? Comment on fait, les frères? Comme le mariage est caduque, il faut leur dire qu'ils sont en chose, voilà. Et donc, ils doivent faire quoi, eux, tous les deux? Ils doivent pas se présenter, c'est tout. Mais s'ils veulent, ils veulent rester ensemble? Et donc, il faut refaire le mariage. Et donc, il refait le mariage après, bien entendu, avoir eu la période de El Istibra. Donc, on s'assure que la femme n'est pas enceinte, on attend la prochaine menstrue. Et après cela, ils refont un mariage. En ce qui concerne donc le mariage qu'on a vu tout à l'heure, Shirar. Ça, c'est dans le cas que le gars n'était pas d'accord avec l'autre. Qu'il soit d'accord ou qu'il ne soit pas d'accord avec l'autre. À partir du moment où lui, il a l'intention. S'il avait l'intention de faire ça pour faire que l'autre, voilà. Après, il peut se marier avec la femme. Il peut se marier avec elle. Son premier mariage, il n'est pas valable. Parce que l'intention, elle n'était pas bonne. Mais si après cela, il veut revenir avec elle, on lui dit, si tu veux rester avec elle, il t'est obligatoire de refaire un mariage valable. Et donc, en ce qui concerne le mariage, Ash-Shirar. Alors là, Al-Bukhari est musulman, il cite dans le recueil respectif, d'après Ibn Umar, radiallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit Ash-Shirar. Et ensuite, il a expliqué, Wash-Shiraru, أن يتزوج أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. Il explique cela, le prophète, il dit Ash-Shirar, c'est le fait que l'individu marie sa fille à un autre qui doit lui donner sa fille en mariage, et il n'y a pas de dot entre les deux, et donc cette forme de mariage aussi, elle est caduque, c'est une injustice envers ces deux femmes. Et donc l'islam, notre religion, interdit l'injustice, que ce soit envers les femmes ou envers les hommes. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, on va commencer le chapitre concernant les défauts. El-Uyoub. Une personne qui se marie, un homme qui se marie avec une femme et qui ensuite voit qu'elle a des défauts. Ou alors une femme qui se marie avec un homme et elle voit que celui-ci a des défauts. Que se passe-t-il ? On verra la semaine prochaine, Inch'Allah. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.